moi, ce qui m'a déçu hier, c'est Unité 9. C'est rendu un show de lesbianisme. C'est du lesbianisme pendant une heure de temps. T'es contre ça? C'est terminé. Ben, c'est parce que là, à un moment donné, revenons-en du... J'ai rien contre une scène genre Mila Kunis, Natalie Portman. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Là. C'est des détenus qui freinent chante eux autres. Ça se taponne les seins, puis bon, Mais à un moment donné, c'est parce que le lesbianisme, il n'y a pas juste ça dans la vie, là. Oh, je sais, c'est ça que ça tape ses nerfs, ça, là, le lesbianisme, on a pu finir là-dedans. Oh, là. 2 millions de codes d'écoute, rendu, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. C'est rendu le sujet principal de l'émission, là. On peut-tu en revenir de ça, là? C'est assez.